السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Continuez ce que l'a dit Cheikh Fawzan dans son explication de la marque de l'islam, les adjectifs de l'islam. Il a dit الرابع من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui a fait ce miséricorde, il a dit quatrième ou troisième plutôt annulatif, c'est le fait que la personne ne rend pas mécréant les polythéistes et les mécréants, ou qu'elle doute de leur mécréance, ou qu'elle rend légiférée correcte leur méthodologie et leur croyance. Il a dit kafara, il devient mécréant si jamais il fait ça. Cheikh Fawzan a dit qawluhu al-thalith ay an-naqid al-thalith min nawaqid al-islam, c'est-à-dire le troisième annulatif parmi les annulatifs de l'islam. من لم يكفر المشركين لأنه يجب على المسلم أن يكفر أو أن يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit que parce que c'est obligatoire pour le musulman de rendre mécréant ceux qu'Allah عز وجل l'a rendu mécréant, de même que le prophète صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا كفر المشركين عبدة الأوثان عبدة الأوثان وغيرهم ممن يعبدون مع الله وغيرهم. Allah Azzawajal l'a rendu mécréant, les mouchikines, les polythéistes, ceux qui adorent les idoles et statues, et toute autre personne qui adore autre chose qu'Allah, ou qui adore autre chose avec Allah comme divinité. وكفر من لم يؤمن بالرسل أو بعضهم كما في القرآن والسنة النبوية. Et même qu'il a rendu mécréant toute personne qui ne croit pas aux messagers, ou à certains parmi les messagers et les prophètes, comme c'est dans le Coran et dans la Sunna, comme c'est dans le Coran et la Sunna. كفر المشركين من اليهود والنصارى والوثنيين فيجب على المسلم أن يعتقد بقلبه كفرهم عملا بتكفير الله لهم وتكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. Donc il a dit qu'il a rendu mécréant aussi les juifs et les chrétiens et les adorateurs des statues et des idoles, et que c'est obligatoire pour le musulman qu'il ait la croyance que ce sont des mécréants, à mettre en application le fait que Allah les a rendus mécréants, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a aussi rendus mécréants. Ensuite, le Cheikh l'a dit قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Allah a dit dans le Coran, certes, ceux qui ont dit que le Messie ibn Maryam, que Isa, le Messie, le fils de Maryam, c'est Allah, ils sont mécréants. Il a dit qu'ils sont des mécréants, qu'ils ont mécru à cette parole-là. Il a dit aussi, وقال تعالى وقال اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. De même qu'Allah a dit à Zawajal que les juifs, ils ont dit que la main d'Allah elle est fermée. Il a dit غلت أيديهم, que leurs mains soient fermées et qu'ils soient maudits suite à ce qu'ils ont dit. Il a dit aussi, قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. Allah a dit dans le verset Azrael, certes, Allah a entendu la parole de ceux qui ont dit qu'Allah est pauvre et nécessiteux. Il a réalisé d'Ali Kamin al-Makalad al-Lati hakah Allah anhum, wahum ahl kitabin, yakfi fi takfirihim, annum kafaru bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, alladi arsalahum Allahu linnasi kafatan, walladi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil. Le Cheikh l'a dit qu'il y a d'autres versets à ce sujet-là, parmi les paroles qu'Allah a citées des mécréants dans le Coran, et que ce sont des gens du livre, qui sont la Torah et l'Évangile. Et il a dit qu'il suffit pour les rendre mécréants le fait qu'ils ont mécru au prophète Mohammed, qu'Allah l'a envoyé pour l'humanité en général, et dans sa globalité, et qu'ils ont sa description dans la Torah et dans l'Évangile, qui est écrit. Comme il est dit dans le verset, النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. Le verset. Le verset, il est dit, Azawajal, en parlant du prophète Mohammed, le prophète, il est très, qu'il trouve écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, il leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivant la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Ensuite, il a dit, ô les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et la terre. À qui appartient la royauté des cieux et de la terre. وقالوه يا أيها الناس عام في جميع الناس من أهل الكتاب وغيرهم. Donc le cheikh a dit que quand Allah dit Azawajal, يا أيها الناس, ô vous les hommes, ça englobe tous les hommes parmi les gens du livre et autres que les gens du livre. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. Il est dit dans le verset, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité digne d'être adorée à part lui. Il donne la vie et donne la mort. Croyez donc en Allah et son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Il est dit dans le verset, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur, qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Ensuite, le Cheikh l'a dit, Cheikh Fawzan, فما لم يؤمن بعموم رسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى ولو أقر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال إن رسالته خاصة بالعرب دون غيرهم فهو كافر فكيف بالذي يكفر برسالته أصلا ولا يؤمن بها. Le Cheikh a dit que toute personne qui ne croit pas au fait que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un message universel, et même s'il dit que c'est un prophète, mais que son message il est spécialement pour les Arabes, il a dit que ça c'est de mécréance. S'il dit que son message il est spécialement pour les Arabes et pas pour les autres personnes, que ça c'est un mécréant. Alors qu'en est-il de celui qui ne croit pas à sa prophétie de base? Qu'en est-il de celui qui ne croit pas à sa prophétie de base et qui n'accepte pas qu'il y ait un messager et un prophète? Il dit فهذا أشد كفرا فهذا أشد كفرا. Celui-là est encore plus mécréant. فالذي يشك في كفر المشركين عموما سواء كانوا من الوثنيين أو من اليهود والنصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام وهم يشكون بالله يجب اعتقاد كفرهم. Le Cheikh a dit que toute personne qui doute la mécréance des mécréants et des polythéistes, que ce soit des gens qui adorent les idoles, ou que ce soit des juifs et des chrétiens, ou que ce soit des gens qui se rattachent à l'islam, cette personne-là, il faut avoir la conviction que c'est un mécréant. Toute personne qui doute de la mécréance des mécréants, des chrétiens et des juifs, et des adorateurs des idoles et des statues, même si ce sont des gens qui se rattachent à l'islam, cette personne-là qui doute de leur mécréance, il faut avoir la croyance et la conviction que ce sont des mécréants. Comme ceux qui disent, par exemple, qu'on n'a pas à blâmer aux chrétiens le fait qu'ils adorent Issa, alayhi salam, ou qui disent qu'ils ont des excuses, ainsi de suite. Ça, ce sont des mécréants, comme l'a dit le Cheikh. Et bien sûr, quand le Cheikh parle ici de dire qu'ils ont des mécréants, ça, c'est en général. C'est pas du cas par cas. Parce que du cas par cas, ça, il faut revenir en savant. Mais il parle de façon générale. Non. Il a dit فكل من أشرك بالله وعبد معه غيره من الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان والقبور والأضرحة فإن مشرك كافر يجب تكفيره حتى ولو كان يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن الشرك يبطل الشهادتين ويناقض الإسلام ويفسد التوحيد فيجب على المسلم أن يكفر المشركين الذين يعبدون غير الله سواء كانوا من العرب أو من العجم سواء كانوا من اليهود أو النصارى والمتسمين بالإسلام. Le Cheikh a dit que toute personne qui adore autre qu'Allah ou qui adore avec Allah autre que lui, que ce soit des arbres ou des pierres ou des statues ou des idoles ou des tombes ou des mausolées, que c'est un mouchik, c'est un polythéiste, et que c'est obligatoire de le rendre mécréant, même s'il prétend être sur l'islam, même s'il prétend être sur l'islam et qu'il prétend dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, parce que le polythéisme, ça annule les deux attestations de foi, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et ça annule aussi l'islam, et ça rend caduque l'islam, et ça annule aussi le tawhid, le monothéisme. Donc c'est obligatoire pour les musulmans de rendre mécréants les polythéistes, les mouchikines, ceux qui adorent autre qu'Allah, peu importe que ce soit des arabes ou des non-arabes, peu importe que ce soit des juifs ou des chrétiens, ou que ce soit des gens qui se prétendent être musulmans et qui s'appellent avec le nom de l'islam. Ensuite, il a dit « Hadi aqidatun, laysa alayha musawamatun, faman lam yukaffir mushrikin, fa innahu yakun murtaddan kafiran mithlahum, li'annahu tasawa 'indahu al-iman wal-kufr, la yufarriqu bayna hadha wa hadha, fa hadha kafir. » Le cheikh a dit que ça, c'est une croyance, c'est une conviction que la personne doit avoir. Il n'y a pas de négociation possible. Celui qui ne rend pas mécréant les polythéistes, il a dit qu'il deviendra apostat et mécréant comme eux. Pourquoi ? Parce que pour lui, la croyance, la foi et la mécréance, ce sont pareils. Il ne fait pas la différence entre les deux. Il ne fait pas la différence entre ça et ça. Et du coup, c'est un mécréant. كذلك من شك في كفر المشركين وقال ما أدري هل هم كفار أو غير كفار فإنه يكون كافرا لأنه متردد في دينه بين الكفر والإيمان لم يفرق بين هذا وهذا. Il en est de même pour celui qui doute de la mécréance des mécréants. Le premier, c'est celui qui ne rend pas mécréant les mécréants, et celui-là, c'est celui qui doute de leur mécréance, des polythéistes. Il dit, je ne sais pas si ce sont des mécréants ou pas. Il a dit qu'il deviendra mécréant. Pourquoi ? Parce qu'il doute dans sa religion. Et il ne sait pas faire la différence entre la mécréance et la foi. Et il doute entre la foi et la mécréance. Il ne fait pas la différence entre les deux. Ensuite, il a dit « وَأَشَدُّ مِنْ دَلِكَ مَنْ صَحَّهَ مَذْهَبَهُمْ أي مَنْ صَحَّهَ مَذْهَبَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَكْثَرُ مَنْ يُصَحِّحُ مَذْهَبَهُمْ وَيُدَافِعُ عَنْهُمْ خُصُوصًا الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَفِيهِ الْآنْ دَعَوَى قَائِمَةٌ وَهِيَ دَعْوَةٌ وهي الدعوة إلى وحدة الأديان إلى الوحدة بين الأديان الثلاثة كما يزعمون الإسلام واليهودية والنصرانية ويقولون كلها أديان صحيحة وكلهم مؤمنون بالله فلا نكفرهم فهذا أشد كفرا من الذي شك في كفرهم لأنه صحح مذهبهم وقال إنهم يؤمنون بالله ويتبعون الأنبياء فاليهود يتبعون لموسى والنصارى يتبعون لعيسى. Le cheikh a dit que encore pire que ça, ceux qui rendent correcte leur méthodologie, ils rendent correcte leur méthodologie, c'est-à-dire qu'ils rendent correcte la méthodologie des polythéistes. Et le cheikh a dit qu'ils sont très nombreux aujourd'hui, ceux qui rendent correcte leur méthodologie, leur religion, et ceux qui défendent ces gens-là, surtout les juifs et les chrétiens, il dit qu'il y a plusieurs appels aujourd'hui, plusieurs prêches qui disent qu'on doit unir les religions, comme ils disent, yani, l'union des religions, ou la fraternité des religions, le fait de dire qu'il n'y a qu'une seule religion, alors que c'est faux. L'union des trois religions, comme ils prétendent, l'islam, le christianisme et le judaïsme, ils disent que ce sont tous des religions qui sont correctes, qui sont valables et valides. Et de même que certains disent qu'il y a une chose très importante, c'est qu'en général, une erreur que beaucoup de personnes font, ils disent Al-Adiyan Samawiyya, les religions célestes. Mais ça, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une seule religion qui est la religion d'Islam. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Donc, certains disent que ce qui est correct, c'est de dire Ad-din Samawi, la religion céleste. Mais les religions célestes, ça, c'est faux. Comme beaucoup de personnes disent, les trois religions, yani, le christianisme, le judaïsme et l'islam, ils disent que ce sont tous des religions qui sont correctes, qui sont valables, et qui sont tous des croyants, qui croient tous en Allah, et qu'on ne les rend pas mécréants. Il a dit que ça, c'est encore pire que celui qui doute de la mécréance des mécréants et des polythéistes. Parce qu'ils rendent correcte leur méthodologie et leur religion, et il dit qu'ils croient en Allah et qu'ils suivent les prophètes. Ils disent que les chrétiens, eux, ils suivent Isa, et les juifs, ils suivent Moussa. Le cheikh, il a dit ensuite, نقول له إنهم لم يتبعوا موسى ولا عيسى Il a dit qu'on leur dit, on leur répond, ils n'ont suivi ni Moussa ni Isa, alayhim salam. Là où kanu yattabi'unahuma, la amanu bi Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais ils suivaient Isa et Moussa, ils auraient cru en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Yanna Moussa wa Isa, alayhim salam, bashara bi Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa mawjoudun fit tawarati wal injil, fit tawaratu alati anzana, unzid ala Moussa, mawjoudun fi hadikul Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والإنجيل الذي نزل على عيسى فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بل صرح عيسى عليه السلام بذلك فقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم الشيخ a dit que si jamais ils suivaient Moussa et Isa, ils auraient cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Moussa et Isa, tous les deux, ils ont annoncé la bonne nouvelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait être envoyé en tant que prophète et messager, et que son nom est cité aussi dans la Torah et l'Évangile, dans la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi wa sallam. Le nom du prophète, il est cité comme c'est dans le verset الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, dont ils trouvent le nom cité dans la Torah et l'Évangile. Et certains savants disent que dans l'Évangile, ou dans la Torah plutôt, son nom c'est Ahyad. Dans la Torah, son nom c'est Ahyad, comme une cité dans le Tariq Dimashq, Ibn Asakir. Et dans l'évangile, son nom c'est Ahmed. Dans la Torah, son nom c'est Ahyad. Et dans l'évangile, son nom c'est Ahmed. Comme c'est dans le verset, comme il a dit le Cheikh, Sarraha, dans lequel Isa alayhi salam, il a dit clairement Ya bani Israël, inni rasulna ilaykum, musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrati, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ma'di yasmuhu Ahmed. Il a dit Et quand Jésus, fils de Marie, a dit à Isa, ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ceux qui, dans le Torah, est antérieur à moi, et annonciateur des messagers à venir après moi. Et annonciateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Dont le nom sera Ahmed. Le Cheikh a dit فمن الذي جاء بعد عيسى فمن الذي جاء بعد عيسى عليه السلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وله أسماء كثيرة. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فكيف يقارن بين اليهودية والنصرانية والإسلام فاليهودية والنصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نسخ بالإسلام والإسلام هو دين حق ولم يبقى دين غير دين الإسلام غير دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يدخل في الإسلام ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو ملحدا فكل من لم يؤمن بمحمد فهو كافر. نعم الشيخ dit que qui est celui qui est venu après Isa عليه السلام, c'est connu que c'est notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, et qu'il y a personne après Isa si ce n'est Muhammad صلى الله عليه وسلم, il y a personne entre eux-mêmes. Et il a dit qu'il a plusieurs noms. Il a une asma une kathira. Comme c'est dans le hadith, dans le Sahih Muslim, il a dit « Ana Muhammad, wa ana Ahmed, wa ana al-Hashir, wa ana al-Muqaffi, wa ana al-Mahi. » Il a cité plusieurs noms. Il a dit « Je suis Muhammad, Ahmed, al-Hashir. » C'est-à-dire celui vers qui les gens ils seront rassemblés au Malkama. « Wa al-Muqaffi, celui qui est dernier des prophètes. »« Wa al-Mahi, il a dit « Alladhi yamhu Allah bihi al-Kufr. » Celui par le biais duquel Allah il efface le la mécréance, Al-Mahi. Et comme on a dit dans la Torah, les savants disent que son nom dans la Torah c'est Ahyad. Ahyad, pareil, ça veut dire la même chose, ça veut dire celui qui écarte la mécréance, ou celui par qui la mécréance elle est écartée. Ensuite, il a dit le Cheikh que Allah est cité dans le verset الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون, que ceux à qui on a donné le livre, les juifs et les chrétiens, ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants, parce qu'ils connaissent très bien ses caractéristiques. C'est connu qu'une personne, elle ne se trompe jamais à propos de ses enfants, même si elle voit des milliers de personnes, et elle reconnaîtra toujours son enfant. Elle reconnaîtra toujours son enfant parmi des milliers de personnes. Pareil pour les juifs et chrétiens. Ils connaissent très bien le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissent très bien ses caractéristiques parce que c'est dans la Torah. Il dit « وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » Mais une partie de eux cache la vérité alors qu'ils savent très bien la vérité. C'est-à-dire qu'ils cachent les attributs et les caractéristiques du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont dans la Torah, alors qu'ils savent que c'est la vérité. Ensuite, le cheikh l'a dit « Comment est-ce qu'on peut alors comparer entre le judaïsme et le christianisme et l'islam et dire que c'est pareil ?» Il a dit que le christianisme et le judaïsme, après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il soit envoyé et qu'il ait été devenu prophète, ils ont été abrogés. Ces religions-là, elles ont été abrogées par l'islam. Et la religion de l'islam est la seule religion valable et la religion réelle qui est valable et valide. Et il ne restera plus de religion et il ne reste plus de religion autre que la religion de l'islam avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Il a dit que celui qui ne rentre pas dans l'islam et qui ne croit pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est un mécréant, peu importe qu'il soit un juif, un chrétien ou un idolâtre ou un athée. Toute personne qui ne croit pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est un mécréant. C'est un mécréant. الشيخ فضلان لي وهؤلاء يقيمون الآن المؤتمرات للتقارب بين الأديان ومع الأسف يؤيدون من ينتسبون إلى الإسلام ويحضرون هذه المؤتمرات يسمونها الحوار بين الأديان أو الحوار بين الحضارات وما أشبه ذلك فهم لا يحضرون من أجل يمطلوا شبه اليهود والنصارى إنما يحضرونها ليتصالحوا معهم ويكفيهم أن اليهود والنصارى يعترفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ولو في الظاهر وهم لا يعترفون بعموم رسالته. الشيخ a dit que maintenant beaucoup parmi les gens qui sont de ce type-là qui doutent des mécréants ou qui disent que les mécréants leur religion elle est correcte, ils font des daurat, des séminaires et des conférences soi-disant pour rapprocher les religions. Ils appellent ça des mu'tamarat. La discussion entre les religions, la communication entre les religions ou la communication entre les différentes communautés. Et le cheikh dit que ce qui est triste, c'est que ces personnes-là, ils aident ceux qui s'affilient à l'islam, même s'ils ne font pas partie, et ils ne viennent pas pour réfuter les ambiguïtés des chrétiens et des juifs. Ils ne viennent pas pour réfuter les ambiguïtés des chrétiens et des juifs. Mais plutôt, ils viennent pour faire des réconciliations et se mettre d'accord et s'arranger avec les chrétiens et les juifs. Et le cheikh a dit que normalement, ça devrait être suffisant pour eux que les chrétiens et les juifs ne reconnaissent pas la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle est une prophétie générale et universelle. Ils reconnaissent que c'est un prophète, mais ils ne reconnaissent pas que c'est un prophète pour l'univers en entier, pour les hommes en entier. Et il va yakfuruna bi'umumi risalatihi. Le cheikh a dit qu'il mécroit à sa prophétie, et le fait que c'est un prophète pour l'univers et pour les hommes en entier. فيكفرون بعموم رسالته كأنهم يقولون ارضوا عنا نرضى عنكم. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Et Cheikh l'a dit, Cheikh Fazan, que c'est comme s'il disait agréez de nous ce sur quoi on est et on agréera de vous ce sur quoi vous êtes, votre religion. Alors qu'Allah il a dit Azza wa Jal, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Que les juifs et les chrétiens ne seront jamais agréés de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. فهم يخادعون. فالواجب تكفيرهم والجزم بتكفيرهم أو بكفرهم وعدم تردد في كفرهم حتى يؤمنوا بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. Donc le cheikh a dit, فهم يخادعون. Ce sont des gens qui trompent les gens. Ils trompent les croyants et essayent de tromper Allah aussi. Comme il y a un verset, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Ensuite, le cheikh a dit, قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. Il a dit que ce qui est obligatoire, c'est de rendre mécréants et d'être sûr et d'avoir la conviction que ce sont des mécréants et de ne pas douter de leur mécréance jusqu'à ce qu'ils croient à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que c'est une prophétie qui est universelle et qu'ils le suivent. Comme l'a dit le verset عَزَّ وَجَلَّ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَّرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ. Il a dit dans le verset, ceux qui croient en lui le soutiendront, le porteront de secours, lui porteront de secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront vraiment les gagnants. Ceux-là seront vraiment les gagnants. Le cheikh Fazan il a dit, هَلْ هُمْ يَتَّبِعُونَ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم. لا لا يتبعونه وإن قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي لكنهم لا يتبعونه فهم كفار بلا شك. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. الشيخ فضلان يجي est-ce que ils suivent la lumière qui a été révélée avec le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire le Coran? Il a dit non, ils ne le suivent pas, même s'ils disent que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم c'est un messager, mais ils ne le suivent pas, ce sont des mécréants, ce sont quand même des mécréants, parce que le fait de dire ça ne suffit pas. Et il n'y a pas de doute que ce sont des mécréants. Il a dit la preuve, c'est le hadith du prophète dans lequel il a dit صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. Que personne de cette communauté n'entendra parler de moi, que ce soit un chrétien ou un juif, et puis il ne croit pas en ce avec quoi je suis venu sans qu'il ne rentre en enfer, sans qu'il rentre en enfer, c'est-à-dire dans le feu d'enfer. Le cheikh Fazan a dit فيجب الجزم بكفر الكفار وفي مقدمتهم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى فهم أشد كفرا لأنهم عصوا الله على علم وبصيرة. Le cheikh a dit que c'est obligatoire de rendre mécréants les mécréants, de rendre mécréants les mécréants. Et en premier lieu, les juifs et les chrétiens, parce que ce sont les pires mécréants, suite au fait qu'ils ont désobéi à Allah Azzawajal avec science et clairvoyance. Qala ta'ala, alladhina atainahum al-kitaba ya'rifunahum kama ya'rifuna abana'ahum, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Il a dit dans le verset que ceux à qui on a donné le livre, ils reconnaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissent leurs enfants, et qu'une partie parmi eux cache la vérité alors qu'ils savent très bien la vérité. Ensuite, le Cheikh dit, فيجب على المسلم أن يعتقد كفر الكفار أيا كانوا كل من أشرك بالله ودعا غير الله بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فيجب تكفيره بالحكم عليه بالكفر ولا يجوز الشك في كفره ولا يجوز تصحيح ما هو عليه من الكفر فيقال ما هذا صاحب دين فيقال هذا صاحب دين هذا أحسن من الوثنيين فالكفر ملة واحدة. Il a dit que c'est obligatoire pour les musulmans d'avoir la croyance que les mécréants sont des mécréants, peu importe leur type et peu importe qui ils sont. Toute personne qui associe Allah ou qui invoque autre qu'Allah avec n'importe quel type de polythéisme majeur, c'est obligatoire de rendre mécréant et de juger de sa mécréance. Et ce n'est pas permis de douter de sa mécréance. Ce n'est pas permis de douter de sa mécréance. Et ce n'est pas permis non plus de rendre valide et valable ce sur quoi il est comme mécréance, sa religion, et de dire que c'est une personne qui est attachée à la religion, ou qu'il est meilleur que les idolâtres, ou qu'il est meilleur que les polythéistes, ainsi de suite. Il a dit « Al-Kufru millatun wahida ». La mécréance, c'est une seule et unique religion. Ils sont tous pareils. Il a dit « Fanakoul ». من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن لم يتبعه ولم يتبعه فهو كافر مهما كان. Toute personne qui ne croit pas en Mohammed, le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, et qui ne le suit pas, c'est un mécréant, peu importe qui qu'il soit, peu importe qui il soit. هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها لئلا يخرج من الإسلام وهو لا يدري فيخرج من الإسلام بعدم تكفير الكفار أو تصحيح مذهبهم أو بأن يصحح ما عليه اليهود أو يصحح ما عليه النصارى ويقول هم أصحاب أديان هم أصحاب أديان صحيحة بل هناك من ينتسب إلى دعوة ويقول إخواننا المسيحيين أو المسيحيون. نعم il a dit que ça c'est obligatoire, c'est une croyance et c'est obligatoire pour le musulman d'avoir cette croyance là, d'avoir la croyance que les mécréants sont des mécréants, les juifs et les chrétiens, de sorte à ce qu'ils ne sortent pas de l'islam sans le savoir. Et qu'ils ne sortent pas des âmes pour ne pas rendre mécréants les mécréants, ou pour dire que leur religion elle est correcte, ou dire que ce sur quoi les juifs sont c'est correct, ou dire que ce sur quoi ils sont les chrétiens c'est correct et c'est une religion qui est valable, qui est valide, et que ce sont des gens qui sont attachés à la religion, que leur religion elle est correcte, الشيخ رجيب بل هناك من ينتسب إلى الدعوة ويقول إخواننا المسيحيون. Il a dit qu'il y a des personnes qui font da'wa, qui sont des prêcheurs et qui disent à propos des chrétiens, nos frères, les chrétiens, nos frères, les chrétiens. Il a dit, فنقول لهم هؤلاء لم يؤمنوا فلو آمنوا لتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. لأن المسيح يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Allah a dit dans le verset, et quand Jésus, fils de Marie, a dit, ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé pour vous, envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur des messagers, et annonciateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera Ahmed, dont le nom sera Ahmed. Donc le cheikh a dit qu'on ne peut pas dire que ce sont le frère parce qu'ils n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais ils avaient cru en lui, ils l'auraient suivi comme il a dit à Isa alayhi sallam. Ensuite il a dit, فَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا بَلْ إِنَّ الْمَسِيحَ إِذَا نَزَلَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَيَكُونُ مُجَدِّدًا مِنَ الْمُجَدِّدِينَ وَمَنْ كَفَرَ بِنَبِيٍ وَاحِدٍ فَهُوَ كَافِرٌ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ. Non, il a dit qu'ils n'ont pas cru en cela, ils n'ont pas cru à ce qu'il a dit à Isa alayhi salam. Il a dit même que le Messie à Isa alayhi salam, quand il va descendre à la fin du monde, il va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il va juger avec sa charia, il va juger en fonction de sa législation. Et il sera parmi les revivificateurs, il sera parmi les revivificateurs de la religion de l'islam. Et le cheikh a dit que toute personne qui me croit en un seul prophète, c'est comme s'il avait mécru en tous les prophètes en entier. Il fait le wajibu ma'rifatu hadha al-amr wa la tantali hadhi shubu'at allati turawiju biha al-yahud wa al-nasara fa hum la yuriduna baqa' al-muslimin ala dinihim walakinhum yuriduna an yajtadhibu al-muslimin an yajtadhibu al-muslimin ila dinihim hum. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Le cheikh a dit que c'est obligatoire de savoir cela et que les shubuhat, les ambiguïtés des juifs et des chrétiens, elles ne se repentent pas, elles ne trompent pas les gens. Les shubuhat, les ambiguïtés qu'ils propagent. Parce qu'eux, ils ne veulent pas que les musulmans restent sur leur religion. Au contraire, ils veulent attirer les musulmans vers eux, ils veulent attirer les musulmans vers eux et vers leur religion. Comme elle est dit dans le verset, « وَلَنْ تَرُضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَّرَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. » Que les juifs et les chrétiens ne seront jamais agréés de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Ensuite, il a dit, « فَهَذَا كَلَامُ اللَّهُ قَالَ تَعَالَى قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَى قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَى تَهْتَدُوا. Il a dit, ça c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Dans notre verset, il a dit, قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَى تَهْتَدُوا. Ils ont dit, soyez des juifs ou des chrétiens, vous serez guidés. أي عندهم أنه من لم يكن يهوديا أو نصرانيا فإنه ليس بمهتد. هذا كلام الله أصدق القائلين. فكيف لا نكفرهم كيف نشك في كفرهم نسأل الله العافية. Il a dit que, c'est-à-dire que les juifs pour eux, celui qui n'est pas juif, ou plutôt les mécréants, celui qui n'est pas juif ou mécréant, selon eux, il n'est pas guidé. Il a dit, ça c'est la parole d'Allah qui est le plus véridique. Ensuite, il a dit, comment est-ce qu'alors on peut ne pas les rendre mécréants? Et comment est-ce qu'on peut douter de leur mécréance? C'est-à-dire que c'est obligatoire qu'on les rend mécréants et qu'on ne doit pas douter de leur mécréance. Il a dit, nasallallahu ala afia, demande à Allah qu'il nous préserve. Ensuite, il a dit, وقد كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله وعبد غير الله أيا كان أو كفر بالنبي من الأنبياء أو جحد ركنا من أركان الإيمان الستة فإنه يحكم بكفره ولا يتردد في ذلك ولا يشك فيه ولا يصحح ما هو عليه فيلتمس له الأعذار. الدين ليس فيه مساومات وليس فيه تنازلات. Le cheikh a dit que Allah Azza wa Jalla l'a certes rendu mécréant, de même que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont rendu mécréant toute personne qui est associée à Allah autre que lui ou qui adore autre que lui, peu importe qui il soit, et toute personne aussi qui mécroit un prophète parmi les prophètes ou un messager parmi les messagers, toute personne aussi qui nie une base ou un pilier parmi les piliers de la foi. les six piliers de la foi. Il dit qu'on doit juger de sa mécréance et on ne doit pas douter de cela. Et on ne doit pas avoir ne serait-ce que l'ombre d'un doute. Et on ne doit pas non plus rendre valable ce sur quoi il est et lui chercher des excuses. Et il dit que la religion, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation dans la religion qui est possible. Donc c'est obligatoire de dire cela de façon claire et de se désavouer de son contraire. Bien sûr, comme on a dit, le fait de rendre mécréant une personne en particulier, ça, c'est pas tout musulman qui peut faire ça. Si c'est un musulman, il faut revenir au savoir. Après, si c'est un mécréant de base, ça c'est sûr, certain que pour les mécréants, on ne doute pas de leur mécréance, que ce soit des gens, ni un groupe ou une personne en particulier. Si on sait que c'est un mécréant, on le considère comme un mécréant. Si on sait que c'est un chrétien ou un juif, on le considère comme un mécréant, ça n'y a pas de doute. Et si c'est un groupe de mécréants aussi, pareil, des juifs et des chrétiens, on le considère tous comme mécréants. Mais pour ce qui est du musulman, le cheikh ne parle pas de ça là. Celui qui est musulman de base, pour juger de sa mécréance, ça, il faut revenir à un savant. C'est du cas par cas. نعم ثم بعد أن نعلم وجوب تكفير المشركين والكفار أيا كانوا وأن هذه عقيدة لا يصح الإسلام ولا يستقيم الدين إلا بها ولا يكون الناس عند المسلمين ولا يكون الناس عند المسلمي سواء بل يفرق أو سواء بل يفرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر والموحد والمشرك كما فرق الله بينهم في الحكم. نعم ديك après ça après qu'on soit au courant que c'est obligatoire de rendre mécréants les polythéistes et les mécréants, peu importe qui ils soient, que ça c'est une croyance et que l'islam ne peut être valable. L'islam de la personne ne peut être valable tant qu'il n'a pas cette croyance-là, et que sa religion non plus ne peut pas être valable ni valide tant qu'il n'a pas cette croyance-là, que les gens ne doivent pas être égaux devant les musulmans. Les gens ne doivent pas être égaux pour les musulmans. Il doit faire la différence entre le vrai et le faux, et le croyant et le mécréant, et le monothéiste et le polythéiste, comme Allah a fait la différence entre eux dans le jugement à Zoyal. Ensuite, il a dit le cheikh Fayam Bani à la takfir le kuffar, ahkamun kathiratun, nazkuru minha ma tayassar. Il a dit qu'ensuite, suite au fait qu'on dise que les mécréants sont des mécréants, cela implique plusieurs jugements. Et on va en expliquer, le cheikh va en expliquer certains. أولا أنه يجب بغض الكفار ومعاداتهم وعدم موالاتهم حتى ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم. الشيخ dit que premièrement, première chose, c'est que c'est obligatoire de détester les mécréants et de les prendre comme ennemis et de ne pas les prendre comme alliés, même si ce sont les gens les plus proches du musulman. A dit la preuve, c'est le verset قال تعالى قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بمودتي وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Comme il dit dans le verset, ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ceux qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager, et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon sentier, dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Et il a un col. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Jusqu'au moment où il a dit dans le verset, certes vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils ont dit à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions entre nous et vous, l'animité et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Le Cheikh a dit que ça c'est la preuve que c'est obligatoire pour les musulmans de prendre les mécréants comme ennemis, et de ne pas les prendre comme des ennemis. Il a dit aussi, قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour du jugement dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit le froid dans leur cœur, et les a aidés de son secours. Non, il a dit aussi, Qala ta'ala, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Celui qui mécroit au taghout et croit en Allah, alors il sera attaché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Il a dit, Cheikh Fazan a dit, دل على أنه لا يجتمع الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت فإنه لا بد من الكفر بالطاغوت أولا ثم الإيمان بالله. Il a dit que ça c'est la preuve que ce n'est pas possible que la personne croit en Allah et croit au taghout en même temps. C'est obligatoire de croire en Allah et de mécroire au Tarot. C'est obligatoire de mécroire au Tarot premièrement, et ensuite de croire en Allah. Il a dit, فَيَجِبُ الْكُفْرُ بِالْطَارُوتِ وَمَعَدَاتُ الْكُفَّارِ وَبُغْدُهُمْ وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى الْمُسْلِمِ وَلَوْ كَانَ الْكَافِرُ أُمُّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أو كان من قبيلته وعشيرته فإنه يبغضه ويتبرأ منهم. Il dit que c'est obligatoire de mécroire au Tarout et de prendre les mécréants comme des ennemis et de les détester, même si ce sont les gens les plus proches du musulman, même si le mécréant c'est sa mère ou son père ou son frère ou une personne de sa tribu, il est obligatoire pour lui de le détester et de se désavouer de lui. Ensuite, le Cheikh a dit, قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. La ley d'un verset sur une traduction rapprochée, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Il a dit dans notre verset, Ibrahim demande pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il se désavoua de lui. Ibrahim était certes plein de sollicitude et indulgent. Il a dit, Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les ait guidés jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. Et لما أنزل الله هذه الآيات تأسف أناس من المسلمين الذين كانوا يستغفرون لآبائهم من المشركين الذين ماتوا وخافوا من هذه الآية فأنزل الله ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. Le Cheikh l'a dit que lorsque ce verset-là est descendu, dans lequel Allah il a interdit aux musulmans de demander pardon pour les mécréants, certains parmi les musulmans étaient tristes parce qu'ils demandaient pardon pour leurs parents, qui étaient des mouchikines, lorsqu'ils sont morts, et ils ont eu peur de ce verset-là, suite à ce verset-là. Ensuite, Allah il a révélé le verset d'après, dans lequel il a dit, Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les ait guidés, jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'il doit éviter, certes, Allah est omniscient. C'est-à-dire que il ne va pas les égarer jusqu'à ce qu'il leur explique ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et après cela, ceux qui font ce qui est contraire à ce qu'il y a dans le verset-là, ça c'est une autre chose. Mais avant ça, il ne les tient pas en compte. Il a dit « فَمَا كَانَ قَبْلُ أَن تَنْزِلْ هَيْ الْآيَا وَقَبْلَ يَعْنَمَا الْمُسْلِمِ تَحْرِيمَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُعَخَدُ عَلَيْهِ » Il a dit que ce qui s'est passé avant que ce verset-là soit révélé, et ce qui s'est passé avant que le musulman soit au courant de cette interdiction-là, il n'en sera pas tenu compte par rapport à cette chose-là. Il ne sera pas châtié par rapport à cette chose-là. Ensuite, il a dit « ثانيا مما يترتب على تكفير المشرك أنه إذا مات المشرك والكافر فإن المسلم لا يتولى جنازته إلا إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإنه يوارى بالتراب ولا يدفن في مقابر المسلمين. Deuxièmement, il a dit que parmi les choses qui découlent du fait qu'on dise que les mécréants sont des mécréants ou que les mouchikins sont des mécréants, c'est que lorsque le mouchik ou le mécréant, le polythéiste ou le mécréant, il meurt, le musulman ne peut pas s'occuper de sa janaza, de ses funérailles, sauf s'il n'y a personne pour l'enterrer parmi les mécréants. Dans ce cas-là, on le cachera, on l'enterrera, yani, sous la terre. Il a dit, mais on n'enterre pas dans le cimetière des musulmans. On n'enterre pas dans le cimetière des musulmans. Il dit, فَالْمُسْلِمُونَ لَا يَتَوَلَّوْنَ جَنَزَةَ الْكَافِرِ لَا يَغْسِلُونَهُ وَلَا يَكْفُنُونَهُ وَلَا يَكْفِنُونَهُ وَلَا يَحْمِلُونَهُ وَلَا يُشَيِّعُونَهَا لَا يَغْسِلُونَهَا لَا يَغْسِلُونَهَا وَلَا يَكْفُنُونَهَا وَلَا يَحْمِلُونَهَا وَلَا يُشَيِّعُونَهَا وَلَا يَحْضُرُونَ دَفْنَهَا وَلَا تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. قال تعالى لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Il a dit que les musulmans ne prennent pas en charge les funérailles des mécréants. On n'enterre pas dans le cimetière des musulmans non plus. On ne le nettoie pas, on ne fait pas son rousse de janaba. On ne le met pas dans son linceul. On ne le porte pas. On ne suit pas non plus sa janaza. On ne suit pas non plus son cortège. Et on n'assiste pas non plus à son enterrement. On n'enterre pas dans le cimetière des musulmans. Il dit que la preuve, c'est le verset dans lequel Allah a dit « La tsali ala ahad minhum mata abada » Ne prie pas sur aucun d'eux lorsqu'il meurt. « Wala taqum ala qabrihi » Il ne tient pas debout devant sa tombe. « Innam kafaru billahi wa rasulihi » Certes, ils ont mécru en Allah et son messager. « Omatu wa hum fasikun » Et ils sont morts en étant des pervers. « Fal muslim la yushayi' janazat al kafir » Il a dit que le musulman ne suit pas la janaza, ne suit pas le cortège du kafir. Il ne prépare non plus son cortège, il ne prépare pas son cortège. Et son cortège ne doit pas être enterré, il ne doit pas être enterré dans le cimetière des musulmans. Ensuite, il a dit أما يلد المريض من الكفار إذا كان من أجل دعوته إلى الله فإن المسلم يعود المريض الكافر يدعوه إلى الله. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ودعاه إلى الإسلام فأسلم ومات على الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Il a dit par contre, pour ce qui est du fait de visiter le mécréant qui est malade, ça c'est permis si c'est pour l'appeler à la religion, faire da'wa. Le musulman peut visiter le mécréant qui est malade et l'appeler à la religion d'Allah, comme il a fait le prophète, comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le juif, le petit juif qui était parmi ceux qui travaillaient pour lui. Il l'a appelé à l'islam et il s'est converti et il est mort sur l'islam. Il a attesté que la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Il a dit وعاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرض الموت وقال له يا عم قل لا إله إلا الله فإذا كانت عيالة المريض الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام فلا بأس بها أما إذا مات على كفره فإن المسلم لا يتولاه ولو كان أقرب الناس إليه ولو كان أباه لما مات أبو طالب على الكفر لم يتولى الرسول صلى الله عليه وسلم دفنه ولا تجهيزه بل أمر ابنه عليا أن يواريه في الأرض ولا يتركه على ظهر الأرض لئلا يتأذى به الناس. نعم. Il a dit que de même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a visité son oncle Abu Talib lorsqu'il était sur son lit de mort. Il lui a dit Ya Am, oh mon oncle, dis La ilaha illallah, dis La ilaha illallah. Donc il a dit que si on visite le mécréant pour l'appeler à l'islam, il n'y a pas de mal dans cela. Mais une fois qu'il est mort, qu'il meurt sur sa mécréance, le musulman ne peut pas le prendre en charge, même si il fait partie des gens les plus proches de lui, même si son père. Il a dit que lorsque Abu Talib est décédé, et qu'il était mécréant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas occupé de son cadavre, ni de son enterrement, ni du fait de le préparer, mais plutôt il a dit à Ali, son fils, de le cacher sur la terre, et de ne pas le laisser, comme ça, pour pas qu'il gêne les gens, et que les gens soient gênés par le cadavre. Ensuite, il a dit « Thalithan, al-muslim la yarithu al-kafir, al-kafir la yarithu al-muslim, lianna allaha qata'a as-sulata baynahuma, fa la yatawarath al-muslimuna wal-kuffar. » Qala sallallahu alayhi wa sallam, لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. إنما يكون ميراث الكافر لأقاربه الكفار، لا يرثه أقاربه المسلمون. فالكفر من موانع الإرث عند أهل العلم. Troisièmement, le musulman, il n'hérite pas du mécréant. Le musulman, il n'hérite pas du mécréant. Et inversement, pareil, le mécréant aussi ne hérite pas du musulman. C'est-à-dire que si jamais le mécréant meurt, ou plutôt meurt, et qu'il a une famille, il a une personne de sa famille qui est musulman, cette personne-là ne doit pas hériter, ne doit pas hériter du mécréant. Inverse, pareil. Si le musulman il meurt, le mécréant ne doit pas hériter de lui. Il a dit pourquoi ? Parce qu'Allah, il a coupé les liens qu'il y a entre eux. Et les musulmans et les mécréants ne s'héritaient pas les uns les autres. Comme il a dit le prophète dans le hadith, « La yaritu al-muslimu al-kafir, wa la al-kafiru al-muslim. » Le mécréant n'hérite pas du musulman et le musulman n'hérite pas du mécréant. Et ça, c'est dans le hadith qui est authentique, qui est rapporté par Oussama ibn Zayd. Il a dit que l'héritage des mécréants, il est seulement pour ses proches mécréants. Mais ses proches parmi les musulmans, ils n'héritaient pas de lui. Et ça, c'est une des choses qui empêche que la personne hérite d'une autre personne, comme c'est connu dans le sens du fara'id al-mawani' al-irth, comme il a dit dans Al-Rahabi. الرحبي الذي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من ألد ثلاث رق وقتل واختلاف الدين رق وقتل واختلاف الدين ففهم فليس الشك كاليقين. C'est-à-dire que une parmi trois choses qui empêche la personne de hériter d'une autre personne sont le fait que la personne soit serviteur ou le fait que la personne tue une autre personne. Par exemple, une personne qui tue son père ou sa mère pour hériter de lui, ben, elle n'arrêtera pas de cette personne-là qu'elle a tuée. Et ikhtilaf din, le fait qu'il y ait une différence de religion, même certains savants disent que les juifs n'héritent pas des chrétiens, les chrétiens n'héritent pas des juifs. On a dit dans le hadith, « La yatawaras ahlu millataini shatta » Deux personnes de deux religions différentes ne s'héritent pas les uns les autres. Donc les musulmans n'héritent pas du mécréant, et les mécréants non plus n'héritent pas du musulman. Ensuite, le cheikh a dit, رابعا, لا يجوز أن يزوج الكافر من المسلمة خشية على دينها خشية على دينها منه لئلا تكون تحت سلطانه. قال سبحانه وتعالى, لا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. Il a dit que ce n'est pas permis de marier une femme musulmane à un kafir, à un homme kafir, à un homme mécréant, par peur pour sa religion. Par peur pour sa religion, parce qu'elle sera sous sa gouvernance, sous son autorité, sous l'autorité du mécréant. Là, il dit dans le verset, « La tankihi mushikin hata yu'minu wa la abdu mu'minun khayru min mushikin wa la wa'ajabakum. » Ne mariez pas les mécréants, les polythéistes, jusqu'à ce qu'ils soient croyants et qu'ils soient musulmans. Et un serviteur croyant est meilleur qu'un polythéiste, même si il vous enchante, Il dit encore la Ta'ala, فَإِنْ عَلِمْتُمُ هُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. Allah, il a dit dans le verset, selon la traduction rapprochée, si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Il a dit, فَلَا يَجُوز أَن تَتَزَوَّجَ الْمُسْلِمَةُ مِنَ الْكَافِرِ مُطْلَقًا لَا يَهُودِي وَلَا نَصْرَانِي وَلَا وَثَنِي أَمَّا تَزَوُّجُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرَ فَإِنْ كَانَتْ وَثَنِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوز أَن يَتَزَوَّجَ بِهَا. Il a dit que ce n'est pas permis pour la femme musulmane de se marier avec un mécréant, peu importe qui il soit, que ce soit un chrétien, un juif, ou un athée, ou un polythéiste, pas permis du tout. Dans aucun cas, pour la femme musulmane, de se marier avec un mécréant. Par contre, pour l'homme musulman, c'est permis pour lui de se marier avec une chrétienne ou musulman. Et par contre, si c'est une femme, une polythéiste ou une idolâtre qui adore les statues, les idoles, dans ce cas-là, ce n'est pas permis de se marier, même pour l'homme musulman, de se marier avec cette femme-là. Il a dit « Amma تزوج المسلم من الكافرة فإن كانت وثنية فإنه لا يجوز أن يتزوج بها. Si c'est une idolâtre, une femme qui adore les idoles ou les statues, c'est pas permis pour le musulman de se marier avec cette femme-là. قال تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. Allah dit dans le verset, selon la traduction rapprochée, et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs, et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Même s'il vous enchante. Il dit, car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, appellent au feu de l'enfer, tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon. Non. Ensuite, le Cheikh dit, أما إذا كانت يهودية أو نصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون عفيفة في عرضها ذلك لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ذلك si jamais la femme c'est une juive ou une chrétienne c'est permis. Si c'est une juive ou une chrétienne, c'est permis pour le musulman de se marier avec elle, à condition qu'elle soit une femme chaste dans son honneur, c'est-à-dire une femme qui n'est pas une perverse, une fornicatrice. Il a dit ça suite au verset dans lequel on a dit « Otaam aladina utul kitab hillul lakum, otaamukum hillul lahum ». Vos nourritures sont permises pour eux et leurs nourritures sont permises pour vous. Leur nourriture, c'est-à-dire ceux qu'ils ont égorgés. Ceux qu'ils ont égorgés comme viande. Ceux qu'ils ont égorgés comme viande, c'est permis pour vous. Ceux que les gens du livre ont égorgés, c'est permis pour vous. Et ceux que vous avez égorgés, vous, c'est permis pour eux. Ensuite, il y a dit de même que les femmes chastes parmi les croyantes, de même que les femmes chastes parmi ceux qui ont eu le livre avant vous, c'est-à-dire le juif et le chrétien. Le cheikh il a dit والمحسنات هن العفيفات من الزنا فالنصرانية التي تسافح وتتخذ الأخدان لا يجوز لمسلم أن يتزوجها إنما يجوز أن يتجوز أن يتزوج اليهودية والنصرانية العفيفة العفيفة في عرضها. نعم il a dit que les محسنات c'est les femmes qui sont chastes par rapport à la fornication. C'est-à-dire que les juifs et les chrétiennes, les femmes juives et chrétiennes qui sont des fornicatrices et tout ça à faire, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'eau de partout et qu'ils prennent des amants, qu'ils ont des amants en secret, c'est pas permis pour les musulmans de les marier. Et ce qui est permis, c'est de marier les femmes chrétiennes et juives qui sont chastes par rapport à leur honneur, qui ne font pas de fornication, qui ne sont pas des perverses. Il a dit أن المرأة تحت سيطرة الرجل ربما تسلم وهي تحت سلطته فيكون سلطان للمسلم على الكافرة بخلاف العكس فلا يكون سلطان للكافر على المسلم من قوله تعالى وَنَا يَجَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Il a dit parce que la femme elle sera sous l'autorité de l'homme. La femme si elle se marie avec un homme elle sera sous son autorité. Donc c'est possible que si jamais elle est sous l'autorité des musulmans, elle peut se convertir parce qu'elle est sous son autorité et c'est le musulman qui aura le dessus sur elle. C'est le musulman qui aura le dessus sur l'âme mécréante. Contrairement à l'inverse, si jamais la femme musulmane est mariée avec un homme mécréant, eh bien ce sera le mécréant qui aura le pouvoir et le dessus sur elle. Et ça, ce n'est pas permis. Il a dit « fa la yakunu dhalika ». C'est pas permis que l'homme mécréant il ait le pouvoir le dessus sur une femme musulmane suite au verset Wallahi Azzawajal Wallahu lil kafirina ala al-mu'minina sabila. Il a dit selon la traduction rapprochée et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. Et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. Il a dit فَهَذَا هُوَ التَّفْصِيلُ فِي تَزَاوُجِ بين في التزاوج بين المسلمين والكفار فإن كانت المرأة وثنية أو ملحدة أو مرتدا فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها مطلقا. Le cheikh a dit ça c'est le détail par rapport au mariage entre les musulmans et les mécréants. Si jamais la femme c'est une idolâtre ou une athée ou une apostate, c'est pas permis pour les musulmans de la marier dans aucun cas. أما إن كانت كتابية جاز بشرط أن تكون محسنة يعني عفيفة عن الزنا لأنها تدخل تحت سلطة الرجل المسلم فتتاح لها الفرصة لأن تسلم. Mais si jamais c'est une femme parmi les jeunes du livre, c'est permis pour les musulmans de la marier à condition qu'elle soit chaste par rapport à la fornication, que ce ne soit pas une fornicatrice et une femme qui a des amants. Parce que si jamais elle se met avec le musulman, elle sera sous son autorité. Donc elle aura la possibilité de se convertir. Inch'Allah. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته